Le Salon Noir. L'homme est par nature un animal social et politique, vivant en groupe à la différence de tous les animaux, ce que montre clairement la nécessité naturelle. Car aux autres animaux, la nature a préparé leur nourriture, du poil pour vêtements, des dents, des cornes, des griffes pour se défendre, ou au moins la vitesse pour s'enfuir. L'homme n'a reçu de la nature aucune de ces choses, mais pour en tenir lieu, il a reçu la raison grâce à laquelle il peut faire usage de ses mains. C'est donc avec saint Thomas d'Aquin que le Salon Noir s'ouvre aujourd'hui sur une extraordinaire découverte, les plus anciens outils de l'humanité, preuve tangible que nos lointains ancêtres étaient déjà les Homo faber d'Henri Bergson. Pour évoquer ce thème, cette découverte, trois chercheuses, Sonia Armand, Hélène Roche, Sandrine Pat, bonjour. Bonjour. Chargée de recherche au CNRS, professeur à l'université Stony Brook de New York, Sonia Armand, vous êtes actuellement au téléphone de votre terrain au Kenya. Directrice de recherche émérite au CNRS, habituée du Salon Noir, Hélène Roche, ancienne directrice de la mission Ouest Turkana, vous avez consacré votre carrière à rechercher et trouver les premières industries de l'humanité. Parce que les hominidés ont un cerveau et une boîte crânienne, Sandrine Pat, anthropologue, chargée de recherche au CNRS. Vous serez aujourd'hui notre anthropologue biologique. Hélène Roche, des industries très anciennes avaient déjà été trouvées. Quelles étaient les datations de ces outils ? Les industries les plus anciennes que l'on connaisse, que l'on connaissait jusqu'à présent, c'était celles qui ont été trouvées à Hadar, en Éthiopie, et elles avaient entre 2,5 millions et 2,6 millions d'années. C'est déjà très très très vieux. C'est déjà très vieux. Et c'est assez... Il y a très peu de sites, il y a quelques sites et très peu de matériel. Ensuite, si on peut faire un petit bond dans le temps, on a dans le bassin du lac Turkana, donc où on travaille, plusieurs groupes de sites à 2,3 millions. Mais on n'avait rien trouvé de plus vieux jusqu'à présent dans le Turkana que 2,3 millions. Il y avait des sites dans la vallée de l'Omo, qui ont été trouvés dans les années 70, il y a très longtemps. Et puis, les sites que nous avons trouvés nous-mêmes, que le projet de West Turkana a trouvé, à 2,3 millions également, à l'ouest du lac Turkana. Beaucoup de préhistoriens, beaucoup de chercheurs sont en quête de ces plus vieilles industries, un peu à l'image de la course des fossiles liés à l'anthropologie. Non, très peu. En fait, très peu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonnée. On a... beaucoup de paléanthropologues qui travaillent pour rechercher les fossiles et très peu d'archéologues qui travaillent à chercher des très vieux sites. Ce qui fait qu'on a beaucoup de fossiles et très peu de sites archéologiques. Il y a quoi ? Les Français, les Américains ? Les Français, les Américains. Kenyans. Oui, parce que c'est beaucoup au Kenya, en Éthiopie, donc Français, Américains, Kenyans et Tanzaniens. Et voilà, c'est à peu près... Parce que tout se passe là. Ah oui, tout se passe là. Ça, c'est sans hésiter, on peut dire que tout se passe là. Sonia Armand, vous avez repris les recherches françaises au Kenya. Quels étaient vos postulats ? Que souhaitiez-vous retrouver ? Eh bien, bien évidemment, nous souhaitions en trouver de plus anciens de ces outils, bien sûr. Et comme Hélène vient de nous le dire, avant notre découverte, les plus anciens outils se trouvaient en Éthiopie. 2,6 millions d'années. Et nous avions, nous, découvert par Hélène, les plus vieux outils du Kenya, à l'Okalalei, à 2,3 millions d'années. Et nous savions que dans notre région d'études, hein, un peu plus au sud de l'Okalalei, il y avait des dépôts sédimentaires très anciens, plus anciens que 2,3 millions d'années, et même plus anciens que 2,6 millions d'années, qui avaient été explorés par les paléontologues, par des paléoanthropologues, mais qui n'avaient jamais été explorés par des archéologues. Nous avions donc de bonnes chances de trouver ces outils plus anciens s'ils existaient, et c'est ce qui s'est passé en 2011. Sandrine Prat, le Kenya, son lac Turkana sont très propices aux industries, mais aussi aux fossiles très anciens. En effet, le lac Turkana, et si on prend en plus généralement l'Afrique de l'Est, est souvent considéré comme le berceau de l'humanité. C'est là qu'on a retrouvé les plus anciens homininés, donc Rory, Nardipithèque, la célèbre Lucie, Afarensis, et surtout les plus anciens représentants du genre Homo, notre genre. Et si on regarde plus particulièrement sur le lac Turkana, il y a énormément de fossiles qui ont été trouvés à l'est du lac, un peu moins à l'ouest où nous travaillons, mais sur la totalité de l'Afrique de l'Est, on compte plus de 2000 restes fossiles attribués à des homininés anciens. Ça paraît énorme ou très peu ? Pour nous, anthropologues, c'est énorme. Donc après, ce n'est pas en termes d'individus, mais ça fait quand même un nombre considérable de restes trouvés. Sonia Armand, toute découverte a son histoire, grande ou petite. Hein, dans quelles conditions s'est réalisée la vôtre ? Alors je dois dire qu'on lit un peu partout dans la presse que nous avons trouvé le site par hasard. Et je voudrais rectifier parce que c'est pas du tout le cas, c'est pas tout à fait exact. Ou alors il faudrait citer Louis Pasteur, hein, le hasard favorise les esprits préparés. Évidemment, on ne se rend pas dans une région telle que celle du lac Turkana sans avoir préparé des prospections pour trouver de nouveaux sites à l'avance. Hein. Il faut faire un vrai travail de préparation documentaire. Et nous avions donc en amont, même en France, décidé de zones cibles, d'endroits où nous voulions aller, que nous voulions prospecter. Nous les avions déterminées grâce aux cartes géologiques dont nous disposions, en fait une seule. Et puis nous avons évidemment beaucoup discuté avec le géologue pour savoir où étaient les sédiments qui nous intéressaient. On a ensuite beaucoup travaillé à imprimer et à travailler des cartes, des images satellitaires sur Google Earth. Et nous savions donc, quand nous sommes arrivés sur zone, que nous allions prospecter dans des terrains qui étaient âgés de plus de 2,5 millions d'années. Le jour où nous avons découvert le site de l'Omekwi, c'est vrai que nous ne voulions pas nous retrouver à cet endroit-là. Nous voulions aller en fait sur le site où les restes de Kenyanthropus platyops avaient été découverts. Sandrine Pratt nous en reparlera, j'imagine, un petit peu plus tard. Et puis nous nous sommes écartés par erreur de notre chemin. Donc dire qu'on a trouvé le site par hasard, c'est pas tout à fait vrai, c'est un petit peu vrai. Donc on s'est perdu. On s'est écarté de notre chemin, comme on le fait naturellement. On est monté sur une colline. Hein, quand on se perd, c'est ce qu'on fait. On essaye de monter en hauteur pour se repérer. Et arrivé en haut d'une colline, on s'est retrouvé devant un panorama tout à fait exceptionnel, assez nouveau pour nous. Imaginez un grand cirque couleur ocre avec des falaises, un empilement de couches sédimentaires de plusieurs mètres de haut. Un endroit très spécial, donc, que nous avons tout de suite voulu explorer et qui s'appelle l'Omekwi. Alors, vous collectez du matériel, vous n'en connaissez bien sûr pas encore la date. Ce travail appartient aux géologues et aux dateurs ? Tout à fait. Quand nous sommes arrivés sur la zone de l'Omekwi et que nous avons découvert le site, nous savions que nous étions dans des dépôts plus âgés que 2,5, 2,6 millions d'années, mais nous n'avions pas du tout idée à ce moment-là que nous allions avoir affaire à un site si ancien à 3,3 millions d'années. 3 millions d'années, 3 millions 3, c'est absolument gigantesque. Sonia Armand, vous êtes au Kenya, au téléphone, dans votre laboratoire, devant du matériel. Comment peut-on décrire ce matériau, ces pierres, on pourrait même peut-être dire ces cailloux ? Ah oui, ces cailloux, comme vous dites, c'est d'ailleurs une expression qu'on emploie très souvent entre nous. Je les ai en face de moi. Je ne les ai pas toutes ici en face de moi, mais je dois vous dire qu'on en a 149 en tout. Nous avons découvert en 2011 et 2012. Et ce qui frappe à première vue quand on regarde ces outils, et en particulier les blocs, ce sont leurs dimensions. Parce que ce sont des blocs, des nucléus de taille et de poids très respectables, avec une quinzaine de centimètres dans leur plus grande dimension, avec un poids moyen de 3 kilos. Donc vous voyez, c'est plutôt des dimensions impressionnantes et assez lourdes. Hein. Ce sont des nucléus faits de lave, en basalte et en phonolite. Nous avons aussi des éclats qui peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long, donc c'est pareil, une dimension assez importante, et puis quelques enclumes qui peuvent aller jusqu'à 15 kg et quelques percuteurs. Voilà, c'est donc ce qui va frapper en premier aussi les personnes qui sont arrivées avec moi sur le site en 2011, c'est la dimension de ces outils. Comment ces outils sont-ils taillés? Ils sont taillés sur enclume dans votre jargon de technologue préhistorien? Alors tout à fait. Ce qui est aussi très particulier à l'Omikui 3, c'est la façon pour les hominides d'avoir fabriqué ces outils. Alors ils ont employé deux techniques pour fabriquer leurs outils, pour produire leurs éclats. La première, on l'appelle bipolaire sur enclume. Alors, c'est une technique qui nécessite trois objets, le bloc que vous allez tailler, un percuteur et une enclume. Le bloc à tailler est maintenu sur l'enclume par une main, pendant que l'autre utilise un percuteur mobile pour frapper au point opposé au contact avec l'enclume et obtenir donc des éclats tranchants à partir du bloc. Le mouvement est donc linéaire, hein, vertical. La deuxième technique que nous avons pu identifier s'appelle la technique sur percuteur dormant. Alors là, c'est un peu plus simple puisque le bloc à tailler est tenu à deux mains et il est directement percuté sur une enclume posée au sol. Hélène Roche, sur le terrain, le nombre et la diversité des outils tendraient à montrer que nous sommes sur une sorte d'atelier, que les outils sont déjà intégrés, voire déjà indispensables. Intégré certainement et indispensable très certainement, parce que je pense que tailler un outil implique d'avoir une idée en tête, un projet, et surtout de suppléer à une fonction qu'on ne peut pas trouver dans la nature. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est ça qui s'est passé. Et cette fonction, en ce qui concerne le débitage des éclats, c'est la fonction coupante qu'on ne trouve pas dans la nature. Et là, on pourrait revenir à ce que disait saint Thomas d'Aquin. L'animal a tout ce qu'il faut. Et nos homininés ont déjà perdu de ces caractéristiques animales qui leur permettent d'avoir accès à toutes sortes de nourriture. Et j'imagine que si les homininés ont commencé à tailler la pierre, c'est parce qu'ils ont eu ce besoin. Alors ce besoin, c'est pour créer donc une fonction qu'on ne trouve pas en milieu naturel, et qui est la fonction coupante. Certains blocs sont utilisés pour écraser, mais il y a aussi déjà la recherche d'éclats. Des industries encore plus anciennes restent donc à trouver, Hélène Roche? Plus anciennes, peut-être, comment dire, j'ai l'impression quand même que par la technique, les techniques qu'on observe, je ne pense pas qu'on va refaire des bonds aussi grands que celui qu'on vient de faire actuellement, c'est-à-dire 700 000 ans par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. On passe de 2,6 millions à 3,3 millions. Je ne pense pas qu'on va faire des découvertes beaucoup plus anciennes. Un peu plus anciennes peut-être, mais parce que j'ai l'impression là qu'on approche au plus près de ce qu'ont été les débuts de la taille de la pierre. Sonia Armand, vous êtes d'accord avec Hélène Roche? Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'est pas encore au tout début, aux origines de la taille de la pierre, mais qu'on s'en approche avec l'Omikui 3. Pas tout à fait au début, parce que nos outils montrent quand même un certain contrôle, un certain savoir-faire. Hein. Je ne pense pas que ce soit des outils qui étaient faits par des gens qui débutaient, par des hominés qui débutaient. Je ne devrais pas employer le terme « gens ». Donc oui, il est possible qu'on retrouve des outils encore plus anciens. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qui est difficile pour nous, archéologues, quand on travaille sur l'ancien comme ça, c'est que on ne sait pas trop à quoi pouvaient ressembler les premiers, vraiment, premiers outils. Il est possible qu'ils ne soient pas aussi visibles que ceux que l'on a pu retrouver à l'Omikui 3. Et donc, il risque pour nous d'être difficile de les repérer, mais bien évidemment, il faut chercher dans les sédiments encore plus anciens que 3,3 millions d'années, bien sûr. Sonia Armand, ce qui est étonnant, c'est que ces industries sont très très volumineuses, très grosses, bien plus grosses que celles que l'on connaissait au préalable, et donc plus récentes. Tout à fait. C'est d'ailleurs une des particularités de l'Omikui qui a fait que nous avons décidé de créer une nouvelle culture que nous avons appelée l'Omikuien. Hein. C'est pas le fait que cette industrie soit morphométriquement beaucoup plus volumineuses que ce que l'on va voir à l'Oldowayen. Le fait aussi que les techniques utilisées soient assez rudimentaires, plus rudimentaires que l'Oldowayen. Et puis, il y a une autre chose qui nous frappe à Lomécui, c'est aussi une sorte de la polyvalence des outils. C'est-à-dire que nous avons des outils, certains de nos blocs, certains de nos nucléus sont clairement des outils polyvalents qui ont été utilisés en tant que nucléus, mais aussi comme objet de percussion, comme enclume ou comme gros percuteur. Hélène Roche, ces outils sont-ils assurément taillés? Les polémiques vont bon train dans notre milieu, qui est toujours un milieu difficile, dur. Surtout pour ce genre de grande découverte. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, là, j'ai là quand même l'impression qu'il y a peu de contestations sur le fait que nos outils soient taillés. Donc, ils le sont bien évidemment. Ce sont des objets taillés qui ont toutes les caractéristiques morphométriques, tous les stigmates de la taille. Donc là, nous n'avons aucun doute là-dessus. Et puis, c'est une multiplicité d'objets, c'est avec des caractéristiques bien particulières. Je pense que Sonia pourra confirmer ce que je dis, que nous avons de gros problèmes de reconnaissance, on ne s'est pas trompé, quoi. Nos objets sont taillés et on ne s'est pas trompé. Sonia Armand, ce site, il est de toute manière assez vaste. Vous avez visiblement trouvé beaucoup d'outils sur une surface. Alors, nous avons trouvé beaucoup d'outils, mais il faut quand même souligner que la plupart des outils que nous avons pour l'instant retrouvés se trouvaient en surface, c'est-à-dire qu'ils venaient d'être érodés et ils étaient vraiment en surface. Les outils que nous retrouvons in situ, c'est-à-dire dans le sédiment pliocène, sont un peu moins nombreux. Mais alors, ça s'explique tout simplement par le fait que la fouille est assez lente. Hein. Le sédiment est très, très dur, très induré. Donc, nous mettons beaucoup de temps à fouiller. Et puis, le site n'est pas très dense, mais nous avons quand même, je pense, une moyenne de 3 à 4 objets par mètre carré, ce qui est plutôt pas mal pour un site de cet âge. Et puis, évidemment, la fouille n'est pas terminée, nous n'en sommes qu'au début. Oui. Je pense que, du coup, on va pouvoir retrouver beaucoup plus d'outils in situ, ce qui est beaucoup plus satisfaisant pour nous, hein, d'avoir des outils qui soient encore insérés dans les sédiments pliocènes. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Sandrine Pratt, les premiers outils de l'humanité ne datent pas de 2 700 000 ans, mais de 3 300 000 ans. 700 000 ans, c'est beaucoup, bien plus vieux que l'apparition du genre humain. En effet, les plus anciens représentants du genre Homo, donc c'est-à-dire notre genre, sont maintenant datés à 2,8 millions d'années depuis la publication en mars dernier d'une mandibule qui a été trouvée dans la phare. Donc l'industrie de l'Homécuit 3 est bien antérieure aux premiers hommes. Et il est vrai que de façon conventionnelle, on a toujours considéré que les premiers hommes, c'est-à-dire Homo habilis ou l'homme habile, du fait de la morphologie de la main, étaient souvent considérés comme l'artisan des premiers outils. Donc cette découverte remet en cause l'association outils-homme. Hélène Roche, ça c'est une découverte extraordinaire. Tout à fait, oui. Et surprenante. Surprenante, pas trop. On est toujours surpris par les découvertes. Oui, non, mais moi, je ne suis pas trop surprise. Parce que si on se remet dans le contexte historique, si je veux dire des découvertes, 2006, les premiers outils de la phare ont été trouvés dans les années 70. C'est un travail que j'avais fait dans les années 60, au milieu des années 70. À ce moment-là, le genre Homo était autour de 1,8 million, hein, Sandrine. Donc, moi, il y a fort longtemps que je me pose la question de mettre en relation l'apparition des premiers outils avec une espèce fossile. Et j'ai, tout au long de ma carrière comme ça, j'ai gardé cette ligne directrice en me disant, il n'y a aucune raison, et je ne vois pas pourquoi, ça ne me dérange pas personnellement, que des australopithèques ou autres aient pu fabriquer les premiers outils, et non pas nos ancêtres directs, ceux qui sont sur la lignée humaine. Sonia Armand, vous vous attendiez à une telle datation? Oui et non. Disons que j'espérais trouver des choses plus anciennes que l'Okalalei ou que Gona en Éthiopie, hein, pas pour ma propre gloire personnelle, mais pour faire avancer les choses et puis confirmer effectivement des idées qu'on avait déjà en tête, dont Hélène vient de parler. On est quand même surpris de faire un bond de 700 000 ans, effectivement, ce qui est beaucoup. Et puis maintenant, on a d'autres interrogations. Que s'est-il passé entre 3,3 millions d'années et 2,6 ou 2,3 millions d'années, hein? Il faut qu'on fasse un petit peu plus de recherches pour essayer de retracer l'évolution de la technologie lithique entre 3,3 et 2,6 millions d'années. En tout cas, c'est une période où tout change, ces 2 millions et 3 millions d'années. Hélène Roche. Oui, ça change. Et pour les hommes aussi, tout se bouleverse, hein. Oui, et tout se bouleverse. Il y a d'abord des changements climatiques, donc des changements environnementaux, et puis l'arrivée de nouveaux arrivants. Donc ça change, ça bouge, oui, bien sûr. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons avec nos invités la découverte au Kenya des plus vieux outils de l'humanité, vieux de 3 300 000 ans. De 3 300 000 ans, c'est l'âge de Lucie. Un australopithèque aurait-il pu être déjà ce tailleur de cailloux, Sandrine Pratt? Oui, en effet, c'est fort probable que Lucie, les Australopithecus afarensis, ait pu tailler ses outils. En effet, la taille des outils, si on regarde l'industrie lithique, ça nécessite une certaine force dans les bras et une bonne capacité de préhension et de précision. Et sans doute un comportement cognitif assez complexe avec un contrôle de la main suffisant. Et c'est tous ces arguments, notamment au niveau du cerveau. Certains auteurs ont pu montrer que dès afarensis, il y avait cette réorganisation au niveau du cerveau, et notamment au niveau du cortex moteur et de la zone du cervelet impliquée dans la précision des mouvements fins. Donc Lucie aurait pu tailler ça? Donc Lucie avait tout à fait, à mon avis, les capacités cognitives et manuelles pour tailler ces outils. En tout cas, le meilleur candidat pourrait être le kényanthrope, dont on ne sait aujourd'hui pas encore grand-chose. En effet, donc, la localisation du site de l'Homo Equisri est aux alentours des restes attribués à Kényanthropus platyops. Donc, de par sa proximité géographique et géologique, c'est en effet un très bon candidat. Hélène Roche, avec cette découverte, nous voici devant un concept clé, celui de l'invention, mieux le début de l'invention, pour lequel une idée préexistante a dû émerger, celle de résoudre un problème. On peut résumer ça comme ça? Oui, je pense qu'on peut le résumer comme ça. J'ai un peu évoqué la chose tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, résoudre un problème, c'est pallier des fonctions qui n'existent pas ou suppléer à des fonctions qui n'existent pas. Je pense qu'en même temps, il faut garder bien en tête que tout ça est très certainement lié au comportement alimentaire, bien évidemment. Le début de l'invention, c'est quelque chose de capital. C'est tout à fait ce que l'on ne trouve jamais en archéologie. On ne trouve que les suites, on n'a jamais les ratés. Oui, tout à fait. Alors, Même pour les périodes très récentes. Oui. Et en plus, d'autant qu'on ne sait pas très bien ce qu'on devrait chercher. Sonia l'a évoqué tout à l'heure. Si on doit avoir quelque chose d'encore plus ancien qu'à l'Homo Equi, comment ça sera? À quoi ça peut ressembler? Je peux vous dire d'ailleurs que personnellement, moi, je me suis trompée grandement sur ce que pouvaient être les premiers objets taillés. Je pensais que c'était parce que les hominidés qu'on a à cette époque sont des petits hominidés. Je me trompe pas, Sandrine, c'est bien ça? Tout à fait. Donc j'ai pensé petit. J'avais oublié que petit ne veut pas dire pas fort, alors que les hominidés peuvent être très forts, même en étant petits. Et d'où le gros et non pas le petit. En tout cas, l'homme n'a pas l'exclusif de l'outil. Des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest en ont pour casser des noix? Oui, ils en ont pour casser des noix, mais ils ne transforment pas la matière. Ils ne font que collecter dans leur environnement ce dont ils ont besoin pour faire cela. Mais ils n'ont pas besoin de transformer. Et là est la différence. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Les animaux, enfin, l'utilisation de l'outil est quelque chose de très courant dans le monde animal. Enfin, de très courant, j'exagère peut-être un peu, qui est assez courant dans le monde animal. La transformation d'un matériau solide et dur, c'est unique à l'homme et aux ancêtres de l'homme, jusqu'à présent. Et jusqu'à... Voilà. Donc... La différence est là. Je veux dire, on peut pas dire que l'outil fait tout, mais la façon dont est manipulé ou dont est créé l'outil, c'est ça qui fait la différence. Qu'en est-il de l'apprentissage ? L'apprentissage, c'est un sujet important en préhistoire aussi. Est-ce qu'on pourrait comparer l'apprentissage des enfants à l'apprentissage de ces australopithèques ou de ce kényanthrope ? Alors là, c'est assez difficile parce que l'apprentissage chez Homo sapiens, on sait très bien l'importance que ça a et comment ça fonctionne. Si on se réfère au monde des primates non humains, chez les chimpanzés par exemple, et notamment dans les activités de cassage de noix qu'on évoquait tout à l'heure, les femelles, ce sont elles qui cassent les noix, mais elles n'apprennent pas. Les petits sont prêts, ont le nez sur le percuteur et l'enclume de leur mère, et regardent ce qui se passe, mais la mère ne cherche pas du tout à apprendre. Elle fait, et c'est aux petits de se débrouiller avec après les outils pour arriver lui-même à faire le geste. Ce n'est pas la mère qui apprend. Et ça pourrait marcher pour nos australopithèques du lac Turkana ? Apprendre par imitation, enfin reproduire par imitation, observation-imitation, oui, c'est tout à fait possible. Qu'en est-il de l'habileté des mains de notre tailleur de 3 millions 300 000 ans ? Qu'en est-il, par exemple, de la position de son pouce, Sandrine Pratt ? Si on regarde sur le seul modèle qu'on puisse avoir autour de 3,3 millions d'années, c'est Afarensis, on a pu montrer qu'il pouvait maintenir des objets finement avec une saisie de précision, une saisie de force importante. Et donc si on regarde d'un point de vue anatomique, la proportion de la main est assez proche de celle de l'homme actuel avec un pouce comme nous relativement long et des doigts plutôt courts et surtout une dernière phalange du pouce capable de se plier. Et une grande mobilité entre le poignet et la main. Et ça, donc, dès les australopithèques anciens ? Dès Afarensis, donc là, il y a... On est à peu près vers quel millier d'années ? 3 millions 3, exactement, sur le cadre chronologique de l'homme équin. Et avant, ce n'est pas le cas ? Avant, il y a quelques indices permettant de dire qu'il y avait peut-être une capacité manipulatoire, mais la difficulté, c'est de savoir si c'est plutôt en termes de locomotion ou en termes d'habileté technique. Bergson aurait pu l'écrire, François Sigaud l'a évoqué, l'intelligence humaine a émergé dans la confrontation de la matière inerte. La technique ? Va et vient entre la main et le cerveau, bien sûr. Oui, oui. La technique les nécessités de la technique ont certainement permis les concepts et le cognitif de se développer. Une chose est désormais donc assurée, l'intelligence implique l'outil, mais l'outil ne fait absolument pas l'homme. Non, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. L'outil est quelque chose de partagé. Mais encore une fois, il ne faut pas se méprendre sur la définition du mot outil. L'utilisation, c'est une chose, la fabrication en est une autre. Bien plus tard, le beau qui passe par la symétrie et un outil. Le biface apparaît il y a 1 700 000 ans. Et là, c'est de nouveau une véritable révolution. C'est un changement de concept. C'est un changement de concept, surtout, essentiellement. Avec, non pas prendre un bloc et en tirer des éclats, mais prendre... le bloc et le déchet et les éclats sont les objets qui vont avoir servi. Mais prendre un bloc et le façonner, et le résultat, ce sera ce qui sortira de ce façonnage qui sera l'objet utile, et les éclats qui seront à ce moment-là les déchets. Donc c'est avant tout un changement de concept. C'est ces bifaces qui sortiront d'Afrique, avec les hommes ? Oui, peut-être il y a eu une sortie antérieure à cela, mais en tout cas ceux-là, ils sont sortis. Oui, tout à fait, absolument. Merci beaucoup et merci à Sonia Armand qui était actuellement au Kenya et donc au téléphone. Cette découverte m'a fait beaucoup lire. J'y ai lu un très bel article de François Sigaud, Les outils et le corps, qui m'a aidé tout au long de ce salon noir récemment décédé. Je souhaite ici rendre tout à fait hommage à François Sigaud. Le salon noir, la semaine prochaine, le salon noir sera consacré à l'archéologie du refuge. Avec un exemple, les carrières où s'abritèrent la population de Caen en juin 1944. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nedjar, à la technique Jacques Hubert, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, Et en droite ligne du Salon Noir, les nouvelles vagues de Marie Richeux se consacrent aussi, et semble-t-il, à l'anthropologie ou à l'anatomie comparée.